Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Soprano. Skyrock. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Soprano. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est la quatrième soirée avec Soprano ce jeudi soir. Comment ça va, Soprano? Impeccable. Il y a Zach et Diego qui sont dans le coin. Toujours là. Des surprises qu'on va vous présenter dans un instant. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des invités que j'aime beaucoup qui sont là. Voilà. Et que je vais questionner dans quelques minutes. Voilà. Qui vont nous balancer des infos inédites. Voilà. Ne bougez pas, mais juste avant, on se rappelle ce qui s'est passé hier soir. C'était une belle soirée encore. Vince était là avec nous. Yes. Et qu'Oncle Phil était là dans les studios avec Uncle nous. File. Et ça donnait ça. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Bonsoir Sopra, comment ça va? Impeccable. On est en direct avec Soprano. Je suis obligé de le préciser. Oui, parce que j'ai vu un Insta ce matin à 6h20. Ouais, on était au studio avec des amis. Qui? Je t'ai dit que je ne dirais pas. Allez, on va lui dire la vérité, il y avait Drake, Eminem, Lil Wayne, Jay-Z, il est venu Snoop, quand même. Snoop est à Paris. Hein. Voilà, Snoop, il a essayé de s'incruster. Non, mais Snoop, on l'a pointé. On l'a pointé, Snoop, ça allait pas. Il y a des gens qui arrivent. Je vois un gigoteur parmi les gigoteurs qui vient d'arriver. Il y a Monsieur Vicenzo. Il est arrivé. Si mes gigoteurs sont là ce soir. Et on est tous là. Rien ne vaut le véritable. Le vrai gigoteur est là. En tout cas, ça fait plaisir. Il a pas gigoté. Tout va bien. Ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir parler un peu. J'aurais aimé qu'il y ait Wally Diam, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. Je voulais faire une spéciale, vraiment une spéciale. Gigoteur. Le phénomène Fresh Prince qui. Ce qui s'est passé autour de Fresh Prince. Et c'est vrai que Walidia a fait un super truc aussi. On peut le saluer. C'est vrai, comme il est en spectacle, Walidia, allez le voir. Voilà. Il est très très fort, Walid. On danse quoi, Fred? Remets-nous des glaces. Va tomber, Jeffrey. Remets-nous des glaçons. Frédérico. Planet Rap. C'est quoi le concept de la Jeffrey Party? Donc c'est moi et DJ House, Monsieur Oncle Phil et Monsieur Carlton. On arrive en club, on voit la température, on voit comment ça se passe. Il y a des gigoteuses, il y a des gigoteurs. On prend le micro, on prend les platines, on fait gigoter un peu tout le monde et on danse à la Carlton comme pas possible. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Attends, bon. Mais quel dit Oncle Phil? Mais quel morceau de zouk conscient! Waouh! Toujours une bonne occasion de gigoter. Je gigote ce soir, Oh là. Tiens, alors c'est bon, on a récupéré Wally. Allô Wally? Ça va? On t'a raccroché un peu la gueule, je suis désolé. C'est pas mon frère! Mais Fred, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi, tu me fais ça? C'est pas moi. C'est Vincenzo. Non, deux secondes. Attends deux secondes, on va laisser passer notre gigoteur, notre Jeffrey National. C'est notre Jeffrey National, monsieur Walidia. Gigoteur, ça fait plaisir. C'est Planet Rap sur Skyrock. Le Planet Rap, c'est reparti pour une nouvelle soirée avec Soprano, avec nous, entre 20 et 21. Le Cosmo Tour qui repart mardi du côté de Toulouse, au Zénith de Toulouse, Dijon, Metz, Saint-Quentin et d'autres dates également. Elles sont toutes sur Skyrock FM. Sopra. Yes. Est-ce qu'on présente les invités tout de suite? Voilà, on va commencer. Honneur aux dames quand même. Honneur aux dames. Voilà, alors voilà, je vous présente Clémence. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Clémence. Clémence, une des danseuses J'ai demandé, oui, qui est Clémence? J'ai balancé. C'est une danseuse. Voilà, c'est une des danseuses du Cosmotour. Voilà, une grosse dédicace aussi à Walid et à Marion. Voilà, ça c'est le staff pour pouvoir qui m'ont aidé à peaufiner pour pouvoir faire un show qu'on va développer pendant cette soirée-là. En même temps, si je peux me permettre, vas-y. Une des danseuses, la danseuse, je suis la seule et unique. Voilà, direct, elle impose son truc. Je suis d'accord avec toi, le rap vraiment, t'as vu ça? Ce côté misogyne. Mais oui, vous cherchez des clichés. Écoute, regarde comment je vais me rattraper, mais c'est parce que j'ai une pensée pour Marion. Pas mal. Bon, Clément, ça va? Tu es content? Tu as vu le décor? Il est beau, hein? Il est magnifique, le décor. C'est vrai? Oui, je ne vous en dirai pas plus. Merci. J'ai l'impression que tu as été briefé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été torturé. J'ai l'impression que tu as été briefé, qu'il y a eu des gens qui sont venus te voir en disant ne dis rien. Voilà. C'est la petite surprise de la tournée. Bon, les danseurs t'accompagnent sur scène tout au long ou c'est un show pareil? Ils interviennent à certains moments? Tu peux dire un mot là-dessus quand même, Soprano? Bien sûr. Ils interviennent sur des morceaux. Il y a des moments où on a, comment ça s'appelle, on a travaillé sur des tableaux. Mm-hmm. Voilà, par exemple Tiamo, il y a un super tableau où il y a un jeu entre le danseur et la danseuse et moi je raconte une histoire, tout ça avec un décor derrière, avec le décor de Venise. Attends, derrière. Excuse-moi, messieurs, ouais. Non mais parce que là c'est un grand n'importe quoi là. C'est le vieux port là. C'est les discussions au vieux port. Sérieux. Alors tu tires ou tu pointes. Donc excuse-nous Clément, je remets un peu d'ordre dans le studio. Alors, donc voilà, on a beaucoup travaillé avec des tableaux, en faisant des tableaux et tout ça, parce que je me suis inspiré. J'ai eu une superbe expérience avec quelqu'un qui est à côté de Clémence. Vous avez peut-être reconnu la voix. C'est moi Zach. C'est Zach. Pour vous dire, quand je partais en tournée à l'époque... Et après on dit que je m'impose. Voilà. Non, en fait, voilà, on m'a appelé, mon ami qui est à côté m'a appelé pour me dire viens me voir en spectacle. Mmh. Déjà, il y a un indice, il fait des spectacles. Il m'a dit viens me voir, tu vas kiffer, tu vas devenir fou. Quand je suis ressorti, j'ai dit oh, il me faut des danseurs, il faut un super décor, il faut que je rajoute ça à mon show parce que voilà. C'est vrai, ça t'a aidé de voir justement. Ah ouais, non, c'est une bête de scène, les idées. Bon après, eux ils avaient plus de moyens, ils ont travaillé ça pendant longtemps et tout, mais ça m'avait marqué. Et c'est vrai que moi j'étais arrivé avec des a priori sur les parce que c'était une comédie musicale. Hop, encore un autre. Autre indice. Eh, je suis bon, hein. Est-ce que ça se passait dans une forêt de Sherwoods? Voilà. Je suis parti là-bas avec. Parlez vraiment de moi là. Ouais. Avec les fléchettes sac et des tout. Bois quoi. Et franchement, j'ai kiffé le côté professionnel. J'ai kiffé tout ce qu'il y avait autour. J'ai dit waouh, non, il faut. J'ai appelé un ami à moi qui s'appelle Julien Mérez qui se travaille sur ma tournée. Ouais. Il a appelé, il nous a fait rencontrer Marion. On a fait des castings, on a regardé des vidéos. Marion Pelletti, la chorégraphe du D'accord. spectacle. Voilà. Et comment ça s'appelle? On a choisi Miss Clémence qui est là et Monsieur Walid pour pouvoir faire le show. Voilà. Et bah, bienvenue Clémence. Merci, ça me fait Et plaisir. Bienvenue dans cette tournée du Cosmotour. Oui. Si tu as besoin de 2-3 pas de danse supplémentaires, je suis revenu avec des idées des States justement que j'ai pu proposer durant toute la semaine. Mais j'ai surtout besoin de soutien, je suis la seule fille. C'est et ben bah, on va venir, bah ça on va te soutenir, t'inquiète pas. Il y a aucun problème. Bon, il est grand temps de présenter celui qui t'a peut-être inspiré pour cette tournée aussi. Voilà, lui qui m'a donné la force. Qui m'a dit, à un moment donné, il faut passer un cap parce que lui sur scène, voilà, c'est un truc de fou, tu vois. Voilà, il s'appelle Monsieur est un grand fan de l'OM, donc une grosse dédicace à lui encore. Ça, plus c'est malheureusement parce que nous sommes en force. J'ai envie de dire, c'est son seul défaut. Nous sommes en force. Son boulet, c'est son boulet l'OM. Mais bon. Voilà. Donc voilà. En même temps, de la ville d'où il vient, il n'y a pas grand-chose à supporter. Non. Arrêtez vos conneries. Une grosse dédicace à Strasbourg, t'inquiète pas. Voilà. Il y a mon ami. Allez, monsieur, les indices, on peut révéler. MP qui est là à côté de nous. Voilà. Matt Pokora, M Pokora, il est là. Et ça fait longtemps que tu n'as pas foulé cette moquette, il n'a pas changé. Je crois que la dernière fois c'était en 2010. Il y a encore plus de chewing-gum par terre que la dernière fois. Depuis que tu l'as foulé, on n'a pas touché à cette moquette. Je vois ça. Il y a même des bouts de pizza dans les micros. Oui, mais ça, encore, c'est vrai. Ouais, quelques rappeurs qui sont passés ça, avant. Ça, c'était gradure, un bout de gradure qui traîne il y a 15 jours. Bon, ça va, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, ça fait plaisir d'être de retour et, aussi. Ça et c'est vrai que moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la télé. Il y a eu le show qui a été diffusé, c'était Théâtre du Châtelet. Au Châtelet, ouais, pour mes 10 ans de carrière. Juste où tu as participé. Ouais, avec super philharmonique derrière. Et ça, par contre, je me suis dit, putain, ouais, c'était une belle soirée. Quelle claque, quelle image, t'as dû prendre un pied là-dessus. Ouais, bah c'est l'avantage quand ça fait un petit moment et que ça marche, c'est qu'on peut se permettre de produire des spectacles comme ça, comme ce one shot justement pour les 10 ans. Et c'était un rêve de chanteur que je me suis fait en faisant un concert symphonique et justement d'inviter quelques potes comme Sopra à partager ça sur moi avec moi pour fêter ces 10 ans. Corneille, il y avait Bruel, Ed Sheeran, Tenny, etc. Ouais, c'était une belle t'as vu le casting. Je t'explique, ma soeur elle m'a dit, il y avait Ed Sheeran, tu n'as même pas fait une photo. franchement. On fera un montage avec la scène. Bon, et ben on est content de te recevoir en tout cas, ça fait plaisir. Tu vas partir toi aussi en tournée, il y a le Red Tour. Ça me parle, Red Tour, je sais pas pourquoi. Ouais, Red Tour. Red, me parle tout de suite. Le 10 avril, ça commence, et puis voilà. Et puis jusqu'à Bercy. Jusqu'à Bercy le 11 décembre. Et là aussi, ça va être une grosse machine, donc allez le voir. Voilà. On est 25 sur scène avec une grosse. Grosse scène, des écrans géants, etc. Il m'a montré le plan de scène. Waouh! Je viens de le voir aussi, c'est un truc incroyable. Ah, le plan de scène. Il y a des musiciens, des cuivres, des choristes, 10 danseurs, 2 acrobates. Voilà. Ça va être un petit truc sympa. C'est un vrai show, un vrai spectacle. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu vas là, assister à un spectacle. C'est ça. Tout à l'heure faisait référence au Robin des Bois, la comédie musicale qui est pareil, qui à mon avis qui a dû être aussi une grosse structure parce que. On était 45 sur scène tous les soirs. Tu voyais le truc, tu disais waouh. Ouais, c'était un sacré bateau et puis surtout des artistes de plein d'horizons différents sur Robin des Bois. T'avais des danseurs hip-hop, des acrobates, des aériens. T'avais des danseurs classiques, contemporains. T'avais de tout quoi. Donc c'était beaucoup appris au contact de tous ces artistes justement. C'est pour ça que chaque projet c'est super intéressant parce que quand tu travailles avec des gens de divers horizons comme ça, ça te permet vraiment de grandir et de construire ta tournée qui vient avec encore beaucoup plus de choses dans la tête. Ça fait plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. Je vais voler un peu des idées. Ne vous inquiétez pas, je vais aller dans ce. Parce que je vais être là dans sa tournée. Il y a quelques dates où je vais passer lui faire un petit coucou et où on va faire le morceau qu'on a fait ensemble qui est dans son album qui s'appelle Mieux que nous. On va le et passer. Et qu'on écoutera peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Ouais, même live on le fera tout à l'heure. Ouais, terrible. Voilà. Et là on débute avec un morceau du live, Sopra. Allez, on débute avec. C'est quoi que tu nous as mis Fab, que je me rappelle plus. À Cosmo Live, le public. Allez. Il m'a dit Cosmo Live, écoute, le public. Écoute le public. Ah là, c'est le public. Priorité au public, c'est parti. Voilà l'ambiance du Cosmo Tour. Ça, c'est un public. Hein, ça, ça, c'est un sacré public. C'est un don du ciel. Hein, ah, ça, c'est magnifique. Ça. Bon, ah, toi aussi, en même temps, ça se passe bien. C'est ah, des cadeaux. Ça se passe bien, mais bon, c'est comme dit, c'est ça pour nous la plus belle récompense quand on est sur scène de voir que des milliers de personnes chantent tes chansons. C'est voilà. Vous étiez connus comment tous les deux ça fait un petit moment. Ça fait un moment. Hein. Je me rappelle, on avait fait un concert. Je crois que c'était en Belgique. C'était en Belgique. C'était à l'époque de mon album Dangerous, enfin l'album anglais. L'album anglais avec Timbaland. Voilà, avec Dangerous. On faisait la promo en Belgique. Ouais, et on s'était croisés là la première fois. C'est et il y avait des joueurs de l'OM, je me rappelle. Oui, il y avait Djibril. Et comment s'appelle. Moi, je savais pas qu'il était fan de l'OM. On malheureusement. S'est comme ça. Comment malheureusement ouais. Heureusement, magnifiquement bien. Et en fait, on s'est rencontrés là. Et après, on s'est beaucoup croisés parce qu'on était dans la même maison de disques. On se croisait aussi. Il m'avait appelé pour l'album d'avant pour pouvoir. Juste un instant, c'est voilà. Lui qui avait écrit le single Juste un instant. Voilà. En fait. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, vas-y, viens, j'ai une chanson extraordinaire qui va te mettre les frissons. Viens, je pense que tu vas kiffer. Viens, si tu te sens de lâcher un petit 16. Un petit 16, comme on dit dans le métier. Un petit 16. Voilà, un petit 16. Voilà. Et quand j'ai entendu la chanson qu'on a fait, j'ai eu des frissons. J'ai pensé à beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître à travers cette chanson par rapport au divorce, par rapport au couple. Par rapport au couple de famille, voilà. Et bon, on l'écoutera, on va l'écouter dans un instant, ce morceau. Ouais. Voilà, on va l'écouter. C'est un extrait de ton album Red, ouais. Yes. C'est ça. Et après, on le fera en live tranquillement. Et bah, très bien, à pas louper d'ici quelques minutes. Clem, ça va, tout se passe bien. Parfait. Tu veux dire un mot sur le décor, un truc précis, non? Tu ne dis rien. Tu veux ajouter quelque chose? Je crois que je pourrais me faire virer si j'ouvrais ma bouche là. T'as commencé la danse à quel âge, toi, Clem? Pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de faire de la danse et peut-être un jour atterrir sur une tournée. Avec Soprano, pourquoi pas. Ou Matt, pas de jaloux. Ou Matt. J'ai commencé la danse assez tard, bizarrement. J'ai commencé à 14 ans parce qu'avant je faisais du judo, le truc rien à voir. Ouais, mais... bah c'est souple. Eh ouais, je suis pleine de surprises. Voilà. Comme Zach. Au moins, t'es bien ancré dans le sol avec le judo. ceinture jaune depuis un sacré moment. Et j'ai fait beaucoup de gym par contre avant, donc ça m'a aidé pour la souplesse. Mais il y a un parcours parce que toi t'es plutôt hip-hop en termes de danse, de base. De base, je suis beaucoup plus jazz. Je suis moderne jazz. J'ai fait une formation jazz classique. Et ensuite, je suis un peu tombée par hasard dans une compagnie de hip-hop à Lyon et je me suis beaucoup plus spécialisée dans hip-hop. Lyon, c'est vrai que c'est assez incroyable parce que t'as un nombre de crews de danseurs les plus. Ouais. Je pense aux Pokémon notamment, mais il y en a. C'est nos collègues. Nous, on est les So United Crew. On est un peu les deux crews basés hip-hop. Mais c'est vrai que Lyon, il y a un sacré truc au niveau de danse. Il y a un sacré vivier du côté de Lyon. Bah, jusqu'à acrobates et tout ça, et les breakers. Oh, elle a fait Mamma Mia et tout. Elle a fait Mamma Mia et tout. Attends, Clem, petit CV. Elle a amené son CV avec elle. C'était le rôle d'un Mamma Mia. J'aurais fait le pain, ça veut dire. Donc tu as fait le pain dans Mamma Mia. Non, mais la première fois que j'ai entendu cette expression, le pain, je n'ai pas compris. Mais ah, bah là, tu dois avoir plein d'expressions. Là, écoute-moi bien, le pain et tout ça. T'as vu, à force de marcher avec nous, t'as vu comment elle parle. Ça y est. Moi, je vous dis, à craindre des gains. Ah, le dégain, la première fois, on m'a dit, il y a des gains. Je sais qui, lui. Il est où, des gains? Non, t'as fait quoi alors? Est-ce que Mamma Mia? En fait, de base, je suis issue d'une famille de chanteurs. Mon papa est chanteur, donc j'étais plus chanteuse de base. Et je suis atterrie dans la comédie musicale, j'ai fait Cendrillon, ensuite j'ai enchaîné sur Mamma Mia. Entre temps, je suis passée dans la compagnie de So United Crew, donc je vadrouillais entre Lyon et Paris. Et j'ai atterri sur Sopra, là, il n'y a pas très longtemps. Et bah, allez voir Clem, donc à partir du 10 mars la semaine prochaine. Voilà, avec monsieur Walid, on n'oublie pas Walid. Dédicace à Walid et Marion, bien sûr. Lui qui est beaucoup dans le. Dans comment on pourrait décrire la danse de Walid. Walid, il est très Tetris, très puissant, très beau. Ouais, il va être content que je dise ça. Hein, mais... bah, il est double champion du monde de rock aussi, déjà, acrobatique. Donc... Ah ouais, il met du déguisement. Non, mais là, si vous en êtes dans ma vie, on engage des champions du monde sur ta tournée. Ah, mais parce que quand j'ai vu sa tournée. Pas. Ouais, mais lui, il rigole pas, lui aussi, Matt. Mais Matt, il est champion de danse avec les stars. Je dis, bon, attends, à un moment donné, si tu veux upgrader dans ce que tu veux dans ta carrière, dans tes concerts, j'ai dit, oh, va falloir monter un peu, quoi. Donc voilà. Quoi. Bon, dans un instant, on va revenir. Matt, on mettra le morceau. Ouais, allez, carrément. Le morceau avec Sopra. C'est ça. Yes, c'est un morceau qui a été produit par qui, fait avec qui. Composé, entre autres, par Corneille, et écrit par Corneille pour ce qui est des parties chantées. Après, ben, Sopra a fait son 16 aussi dessus. Yeah. Et voilà, donc c'est Corneille, pareil, c'est la famille. C'est quelqu'un qui a déjà collaboré avec moi, avec Sopra. Un sacré danseur aussi, hein, Corneille. Il s'est mis dedans. Il évolue. C'est un sacré danseur aussi. Bon, j'avoue, on m'a proposé Danse avec les stars 2-3 fois. Alors, t'as proposé ou pas, toi? Pour de vrai, en plus. Et chaque fois, j'ai dit non, je les voyais danser. J'ai dit, moi, je vais aller là-bas. Je vais faire comment, moi? Je pourrais pas. Donc, j'avoue, j'ai refusé. Ah, on t'a proposé Danse avec les stars? Deux fois. Et deux fois, non. Bah, jamais 203. Ouais, mais je suis pas prêt. T'es pas encore prêt. Tu peux demander à Clem que je suis pas prêt, je les laisse danser. Moi. Je dois dire la vérité ou oui. Je dois dire. Ah. Tu dis la vérité. Non, mais non, pas, refuse. Merci. Ça, ça. Clem, elle veut pas être virée de la tournée avant. Hein. Franchement. Attends, comment ça, semaine prochaine, ah ouais, je vais te faire virer avant. Elle veut pas être virée avant, en tout cas. Bon, bougez pas, dans un instant, on revient à la suite du Planet Rap avec ce soir. Il y a MP qui a débarqué, il y a Clem avec nous. Eh, j'ai ramené MP. Ça faisait un moment. Tu vois, ah, ça va me dire content. Merci quand même. Et merci parce que je suis content de le voir. Ah, et non, tu veux que je te dis, parce que ça fait une dizaine d'années maintenant de carrière MP1. Ouais, de, ça a commencé la, ici d'ailleurs. Ici avec le. Avec Showbiz à l'époque. Avec Showbiz et voilà, et j'ai toujours trouvé. Voilà, ça fait plaisir des réussites comme celle d'MP, honnêtement. Ouais, parce que voilà, t'es aussi un mec issu de cette scène urbaine, etc. Tu l'as toujours représenté. Voilà, t'as toujours fait partie aussi de cet univers. J'ai jamais changé mon fusil d'épaule. Si non, même si c'est vrai que tu peux faire quelques petites incursions dans la pop, dans danse avec les stars, C'est l'évolution, c'est grand. C'est l'évolution, c'est normal. C'est mûrir. Ouais. Tiens, c'est comme tout. Tiens, je voulais rejoindre aussi Jamel dans ce coup de gueule en ce moment sur les Restos du Cœur. Ouais. Parce que tu en fais partie. Ouais. Sur le morceau. Oui, mais d'ailleurs, il y a un truc qui est très bien. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de voir l'intervention de Jean-Jacques Goldman hier soir dans le petit journal. Non, ça j'ai pas vu. Voilà, avec beaucoup d'autodérision, c'est vrai que il a encore montré une fois de plus pourquoi c'était le patron. Enfin, je pense qu'il y a des choses bien plus graves que ça. Je pense que les gens ont surtout mal compris le message. S'il y a bien un truc sur lequel vaut mieux pas taper, c'est sur un collectif d'artistes qui ramène des millions d'euros une noble cause chaque année. On prend pas un centime. On le fait vraiment pour les Restos du Cœur. Et je pense qu'il y a des choses bien plus graves en France. Alors, si les politiques et les gens aiment se cacher derrière ce genre de polémique à deux balles plutôt que résoudre les plus gros problèmes qu'il y a dans notre pays, c'est leur problème. Mais en tout cas, vaut mieux pas venir taper sur un collectif de chanteurs qui donne de leur temps. Ouais, tout le monde, on prie. Même Madame Le Pen. Ouais, madame, tu l'appelles? Je sais pas. Voilà. Mais bref, en tout cas, c'est juste qu'il. Voilà, c'est un collectif qui se donne du mal pour aider les gens dans le besoin chaque année. Ce spectacle et les singles issus des enfoirés rapportent des millions de repas pour des centaines de milliers de personnes chaque année. Donc je pense qu'il y a bien un truc qu'il faut laisser un peu peinard, c'est bien les enfoirés, les Restos du Cœur. Je sais pas, donc tu as certainement vu aussi ce qu'a dit Jamel qui t'a invité sur Europe 1. Oui, j'ai vu, pareil. Et voilà, c'est vrai qu'à un moment ça va, quoi. Basta, arrêtez vos connards. On peut ne pas aimer le titre. C'est vrai que c'est pas un des plus grands Goldman. C'est vrai, on peut en parler même entre nous. On n'aime pas chaque année le titre qui est le single des enfoirés. Après, comme dit, nous, à ce moment-là, quand on interprète, quand on fait le clip, on pense pas une seule seconde à dire on aime, on n'aime pas. Ce qui compte, c'est la finalité et c'est de rapporter des millions de repas à des centaines de milliers. Ça, je crois que c'est plus important. Tu m'as convaincu, Soprano. Non, c'est pas ça. En fait, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai écouté la chanson, j'ai pas fait gaffe. Quand j'ai vu les gens qui commencent à relever, moi qui parle beaucoup de la jeunesse, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, pourquoi ils ont fait une chanson comme ça? J'avais pas compris. Après, bien sûr, j'ai vu les interventions de Goldman c'est vrai qu'il y a beaucoup plus grave que ça. Et là, comme tu l'as encore expliqué, je comprends. Non, mais c'est, moi, voilà, je suis tout à fait d'accord. Et comme dit, c'est pas un procès aux jeunes. C'est dire aussi, si aujourd'hui on en est là, c'est aussi à cause de la génération qui était là avant qui a fait des conneries. Et c'est ça en fait le message, c'est pas de dire en fait nous on a fait ça et vous maintenant bougez-vous le cul, vous êtes des branleurs, c'est pas ça. C'est en gros, c'est aussi un procès à ceux qui étaient là avant qui ont laissé. Mais voilà, en dehors de ça, t'as raison aussi de le préciser, on va conclure là-dessus sur l'histoire des Restos du Cœur. Évidemment, oui, c'est peut-être pas un grand morceau. OK, très bien, basta, mais c'est vrai que ce que fait les Restos du Cœur depuis 1986 maintenant, je crois 85 même de mémoire si tu veux. Donc voilà, ils ont servi des millions de repas, ils ont aussi aidé des gens comme chaque il le année. Pouvait. Et le spectacle, et les le DVD, spectacle en fait c'est, partie. C'est des millions de repas. Depuis tout à l'heure, arrêtons. J'attends qu'ils me disent qu'est-ce qu'il a dit Jamel. Il n'a pas dit ça, c'est pour ça que je rejoins Jamel là-dessus. Qui disait maintenant arrêtez, il y a en effet beaucoup plus grave s'occuper et emmerder les gens là-dessus et faire des fausses polémiques. On met des costumes de petits oiseaux, de lapins roses quand même. Donc on est bien dans un instant, nous allons trouver Matt Pokora en petit lapin rose. Je sais pas, en plus on n'est même pas là à se la raconter, on fait ça, c'est du second degré, c'est du divertissement pour un moment récupérer de la caillasse. J'ai l'impression que on est en train de reparler de la robe, de la couleur de la robe. Alors, est-ce qu'elle est blanche ou bleue? Eh bien, réponse après la pub, ne bougez pas. On revient avec Soprano, c'est le Cosmo Tour et le retour du son après ça. À écouter tout de suite sur Skyrock dans Planète Rap, le nouveau son de Kanye West avec Theophilus London, avec Paul McCartney, avec Alan Kingdom. C'est un extrait de son 7e album qui se prépare. L'album s'appellera So Help Me God. Et voici maintenant All Day, Kanye West sur Skyrock. Nouveau son, nouvelle tuerie, Kanye West. Défonce ce morceau. Vos réactions 41759, le hashtag Skyrock. Et là, on retrouve Soprano. Let's go! Tout le monde! Planet Rap. C'est Soprano dans Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, Planet Rap. En direct avec Soprano sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec monsieur Soprano qui est venu. C'est avec ta famille de tournée, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, nous avons Clem Miss Clémence, une grosse dédicace à Marion et Monsieur et Walid. MP qui fera la première partie sur toutes les dates aussi. Ouais, il est pas assez connu, donc il fera la première partie. Un petit jeune que tu que es. Dans son quartier, que dans son j'essaye quartier. De le pousser. Il tente sa chance. Voilà, t'essaye un moment de. J'essaye, je sais pas si ça va passer, je sais pas. Écoute, on verra. Hein. Réponse à Toulouse le 10 mars. MP qui est là avec nous aussi. D'ailleurs, on va écouter votre morceau si vous voulez bien maintenant. Ouais, c'est un morceau sérieux quand même. Hein. Ouais. C'est un beau morceau sérieux. Franchement, on fait une dédicace à Corneille. Parce donc que... écrit par Corneille. C'est magnifique. Ouais, c'est sur le thème du divorce. Ouais. Je suis comme beaucoup de gens issus d'une famille de parents divorcés. Et donc, c'est un thème qui me touche. Et dans ce morceau, ce qui était intéressant, c'est que Corneille traitait pas seulement le point de vue du gamin, mais aussi le point de vue de la mère et du père. Et pas seulement de la mère ou pas seulement du père. Et c'est vrai que c'est réellement ce qui se passe. C'est-à-dire que nous, en fait, les enfants, on veut pas savoir ce qui s'est passé, pourquoi c'est parti en ukulélé entre les parents, pourquoi ça s'est mal passé, qui a fait quoi de mal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être bien avec notre mère, de l'autre côté, d'être bien avec notre père. Et ce qu'il faut dire, c'est que l'un est malheureux quand le gosse n'est pas avec et avec l'autre et vice versa. Et c'est vrai que c'est important d'avoir ce point de vue là aussi. Et c'est vrai que c'est une chanson qui, quand l'album est sorti, tous les gens nous ont parlé de ce titre-là, que ce soit les journalistes, la presse, les chroniques sur l'album, les fans, le public en général, tout le monde réagit à ce morceau parce que c'est un texte qui touche tout le monde, aussi bien les parents que les jeunes, que les enfants. Mmh. Et c'est vrai qu'on est dans une génération où malheureusement plus d'un couple sur deux est divorcé aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un morceau qui a fait vraiment beaucoup de bruit quand il est sorti. Et c'est extrait de ton album Red qu'on écoute maintenant avec Soprano sur Skyrock. Personne ne rêve d'être seule. Elle a l'amour en prison. Elle n'a pas le temps pour le printemps. Elle garde son bonheur en détention. Mes sourires font les siens en attendant. Papa, si tu savais comme elle manque de souffle. Allô le monde, si vous saviez, si vous saviez. Petit à petit, maman fait son lit. Papa est parti se refaire une vie, pas trop loin d'ici, petit à petit, maman te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux que lui. J'entends solo, papa danse le tango, le dos cassé. Et la foule vient de monter le niveau. Souffrir, oui, mais un peu de dignité. Il a le cœur en prison. Il n'a pas le temps pour le printemps. Comme les promesses sont trahison. Autant acheter du rêve aux enfants. Maman, si tu savais comme il manque de souffle. Allô le monde, si vous pouviez. Son nid, maman est partie se refaire une vie, pas trop loin d'ici, petit à petit, papa te l'a dit, tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Yeah, pour un. On va se le faire en live tout à l'heure. Hein, on écoutera le couplet. On a une première partie, on écoutera ton couplet dans un instant. Ce morceau, on retrouve. On se fait un petit live après tout à l'heure. Yes. En intégralité sur l'album Red. Yep. Avec Soprano aussi, qui est présent sur cet album. La première fois en live à la radio. Et première fois en live à la radio, c'est dans quelques minutes. Yes. Avec MP, avec Soprano. T'as suivi, t'as continué à suivre un petit peu la scène rap, MP? Bah oui, quoi, toujours. Forcément, je renie pas aussi tout ce que j'ai écouté depuis, qui a fait ma culture aussi musicale. Donc, je suis encore très black music et tout. Mais c'est vrai que moi, Sopra, j'ai toujours apprécié ce qu'il fait. J'ai toujours aimé aussi son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est positif et qui envoie des ondes positives avec sa musique. Et ça l'empêche pas non plus de traiter de vrais sujets. Plus grave, ouais. Et c'est vrai que sa musique est très fédératrice. Après, voilà, j'écoute. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est Aurel San. J'aime bien This Is. J'aime beaucoup This Is, Youssoupha, ces plumes-là. J'aime beaucoup. Youssoupha, ça arrive, hein, le 18 mai d'Écritude. Ah, il y a des surprises qui arrivent aussi. Ces rappeurs-là, moi. Ah, il y a des surprises. Je peux pas dire plus. Ah bon? Je peux pas dire plus. Tu dis rien cette semaine, moi. Zach. Oui, ça va? Bah oui, ça va. J'ai pas entendu depuis quelques minutes. Ça va? Non, mais parce que vous êtes trop sérieux. Bah, je crois que je vais partir. On a parlé des enfants, il était pas bien. Il était transpiré. Il s'est dit pourvu qu'on me pose pas de questions. Ouais, je sais pas de quoi ça parle là. Bon, on va écouter un morceau dans un instant du live, peut-être. Ouais, juste avant votre live à vous en direct dans quelques minutes. On va se mettre Ils nous connaissent pas. Voilà, un morceau. La version album. Voilà, on traitait de sujets. On parlait de la jeunesse avec cette polémique. Version concert, version enfoiré, album. Donc on va mettre Ils nous connaissent pas. Version concert. Version concert, bien sûr. Ouais, bien sûr, version concert avec Ils nous connaissent pas. On l'a fait, celui-là, c'est version Brest. C'est version Brest ou pas? C'est confirmé par Mej. Voilà. Comment tu l'as appelé? Version Brest. Ah mais j'ai compris un autre. Ouais, mais tu comprendrais. Ouais, il a dit version Brest ou quand. Ah, j'ai compris tout quand. Je me suis dit, c'est le surnom de Mej. Il faut sortir la bouteille de rhum parce que là, il va plus bien, là, Frédéric. Ah oui, c'est pour là. Ça, en fait. Il a pas mis de rhum, il a pas mis de glaçon. À partir d'une certaine heure, ça va pas. Yes. L'anasme par téléphone du 83. Ouais. Comment ça va, l'anasme? Ça va et toi, Fred? Bah écoute, bienvenue dans ce Planète Rap. Salut, poteau. Vous connaissez Sopra, famille, ça va ou quoi? Vous connaissez Sopra? Ça va, nous on est pas loin, mon pote, c'est le 8-3 au téléphone, mon frère. Le 8-3 au téléphone. Aïe, ah, oh putain. Et on s'en parle de tout, ma gueule, Eh oui, ça va ou quoi? Ça va et toi, frère? Ah, ça va, on m'a dit, tu vas cartonner ça là. Là, tu vas brûler le sang là. Écoute, mon frère, Inch'Allah, ça va, mon frère. Inch'Allah, mon frère. C'est un capella, on va l'écouter. Je te présente aussi, il y a MP qui est là avec nous, Matt Pokorin. Salut. Et il y a la gonzesse. Hein. Il y a de la gonzesse, il y a Clem qui est là avec nous, je peux dire. La gonzesse, oh, tu restes plus de pas. Pardon. Ça y est, c'est encore réducteur, toujours. Ouais, c'est vrai, tu la vois pas, mais dis-lui, nous dans le sud, on respecte les femmes, on les appelle pas la gonzesse. Attends, c'est mignon comme tout. Exactement. Eh ouais, frère. Non, c'est pas mignon. Miss, c'est joli. Voilà. Quoique, ça sent pas plus depuis les années 90. Mais ça te va très bien, la Miss Clem avec nous. Okay. Vas-y. Allez, l'anasme, c'est parti, c'est sur freestyle par téléphone, on y va. Yeah, frère. C'est dans les armes qu'on trouve de l'aide et puis dans le regard des poteaux. Plus le temps de se retourner quand vient l'homme en noir sur sa moto. Le temps passe si vite, l'enfance s'est écoulée. Il y a plus de taches de boue, maintenant c'est rué de coups. Bah ouais, ils veulent nous voir couler. Je trouve ça tragique, sort une liasse de billets et les faux bonhommes s'agitent. Il y a plus rien de magique, non même pas Paris. Mélange un peu de violence et l'étape est de balise. Oui c'est là qu'on se réalise, mais qui sera le premier, le dernier arrivé, vivra les poches trouées. Si l'avenir est à trouver, moi je n'ai plus le temps de chercher. Je crois qu'ils veulent enterrer et le mien, et j'ai la peine de creuser. J'écris des punchlines, comme ça pour passer le temps. Et si l'amour est un cadeau, c'est du poison qu'il y a dedans. La grandeur de la vie, on rêve tous de la connaître. Ici on voit tout en petit, à croire qu'on mesure 20 mètres. J'envoie des freestyles en attendant la mixtape. Et si les mixtapes, c'est que j'ai sorti mon steak. J'ai pas signé de bail, sauf mes propres chèques. Le rap c'est comme une crasse, je lui lècherai pas la schneck. Non, l'entre d'honneur et de fierté, je viens pas rapper tout bas. Le niveau n'est pas haut, normal que ça met des coups bas. Je représente de tout part, l'intrus. C'est comme une meuf si elle est bonne, on la baisse que ça soit une vierge, une cougar. Et du cougar j'ai découvert des trucs de ouf. Et quand je découpe, il en découpe des trucs de fouf. Sordides sont nos écrits car banales sont les vraies vies. Et je balance mes récits quand mes frères ont leur verse vite. Alors attends-toi au pire car je tape toutes les nuits. Je t'avoue que j'ai le seum et demain je l'aurai aussi. Et j'ai la tease pour apaiser mon âme. À force de noyer ma peine, je vais finir par gerber mes larmes. Ouh. Et voilà. Ça rigole pas dans le sud, tu vois. Ça rigole pas. On rigole pas, mon. On est là, mon. C'est croqué, la famille. ami, t'es croqué, nous on attend, mon pote. Ah, franchement, ah, c'est la bombe, mon frérot. Hein. Voilà, tu sais, vas-y, je me présente à tout le monde, frère, c'est l'ANACME, L-A-N-A-C-E, apostrophe M-E, sur tous les réseaux sociaux, on est là. L'équipe, c'est Goaz Music, mon frère, LCR, dédicace à tous mes potos, tous mes cafards qui sont là, genre. Il y a Gravec dans le salon Lula, il y a tout le monde, mon pote Bartier, il y a tout le monde, écoute, ça, qui là, on est tous là. C'est pour mon poteau qui est au aussi, qui m'entend, frère. Voilà, c'est pour tout le monde du bruit dans le studio, frère. Il a tout perdu. 8-3 LCR, mon pote, c'est pour tout le 83, tout le monde. 8-3. Yes, la famille, franchement, une grosse dédicace. Grosse dédicace à Lacrimo aussi, merci à lui. Yes. Soutiens à toi, mon frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Les gros sont comme la colombe, mon pote. On est là, on écoute, frère. Ah, merci. On a toujours écouté, là, ok. Mais nous, bien, mon pote, on t'attend, on va regarder sur internet. T'inquiète, y a pas de problème. En tout cas, là, tu viens de te faire une promo de ouf avec le couplet que tu as fait. Donc, c'est nickel. Super, la famille, ça fait plaisir, voilà. Faut continuer. Voilà, merci à tous. Bien sûr. Ciao. Merci à toi, l'ANACME. Merci, frère. Hey, frère, Fred, repasse-moi Marjorie vite fait. Vite, la taquine un peu, David. Tu connais, frère. C'est le terre ici. Ah là là là. Je sais pas pourquoi, les mecs aiment bien taquiner Marjorie. Regarde après, voilà. Mets-moi un petit message, mais regarde après, voilà. Ça va, okay, l'ANACME, ok, je te refile Marjorie. Passe une bonne soirée. Ah, il est bon. Allez, tente de négocier. Il perd pas le nord. Au sud, ils perdent jamais le nord. Ils sont forts. Pas vrai, Zach? Non, qu'est-ce que c'est? Non, rien. Bon, on va écouter le morceau live. Yes, ils ne connaissent pas. Et après, on fait votre morceau aussi à vous deux. Yes. Avec M. Pokora qui est là avec nous ce soir. Et Soprano, évidemment, pour le Cosmotour. Est-ce que vous êtes prêts à chanter cette chanson avec moi? Je veux entendre toute la salle avec moi. Ils ne connaissent pas. Jeunesse de Brest ce soir.

fait son nid. Maman est partie se refaire une vie. Yeah. Pas trop loin d'ici, petit à petit. Papa te l'a dit. Yeah. Tu feras ta vie, tu feras mieux qu'elle. Oh, oh, tu feras mieux que nous. Yes, oh, yes. Ouais, écoute. Avec au cœur les choristes de Monsieur Zag qui monte toujours crescendo. J'ai entendu quelques cœurs qui arrivaient par-ci par-là. Ah, c'est Zag, c'est pas les choristes officiels. Je pose mon CV, tu as vu. Pour la tournée, laquelle tournée? Ah, t'as vu ça, t'as vu sa tournée est plus grosse que la mienne. Parce que t'as pas vu son décor, toi. Ah oui. Toi, c'est quand avril, hein, le début de la ça tournée? Ça commence le 10 avril, ouais. Toi, bah, on sera à Paris. 10 mars, 10 avril. 14 juin. Yes. Ouais, c'est ça. Voilà. Et t'es où à Paris? On se croisera. Zénith de Paris, 12, 13, 14 juin et Bercy le 11 décembre. Merveilleux, puis dans toute la France, hein, partout. Mais lui, un concert, France, c'est voilà. Trop. Et oui, les festivals, c'est trop. Il y a trop de concerts. Tu vas y aller, tu vas faire deux, trois petits crochets sur Prince. Normalement, c'est. Parce que là, le morceau, Marseille, il est tout seul. Hein. C'est déjà coché. C'est acté. Voilà. Le dôme. C'est quand Marseille au dôme, tu sais, du là de tête. En juin, c'était le 12 juin, non? 12 juin. 12 juin? Non. 12 juin. Non, non, 12, non, 12, 12, non, je dis des conneries. Bon, c'est au mois de juin. C'est au mois de juin. De toute façon, allez checker. Allez checker sur les réseaux sociaux. Il y a moyen d'avoir des invites. Attends, il y a le quota mieux que nous maintenant. C'est énorme. Et ça, c'est un extrait de l'album. Ah, bah oui, 12 juin, parfait. C'est un extrait de l'album Red qu'on écoutait où vous retrouvez donc Soprano dessus sur l'album de M. Pokora. Avant de se quitter, tiens, puisqu'on va peut-être mettre le morceau maintenant. Zac et Diego. Allez, Zac et Diego. Tu as écouté ce morceau de Zac et Diego? Non. C'est voilà. Nous. Avec Sopra. C'est eux. C'est quoi? Écoute. Tiens, si tu cherches une première partie. Écoute. Voilà. Voilà. On sait jamais, Zac ça peut Diego. Te parler. C'est un téléchargement. Le morceau s'appelle Maman. On peut y aller, quoi. Ah, iTunes, Play Store. Aïe. On m'a dit que l'argent tombait du ciel. Oh maman. Étranger et vu des mauvais oeils. Oh maman, j'ai peur si tu savais. Quand je décide de partir là-bas, faire des sacrifices pour toi, je compte pas. Te mettre à l'abri, c'est l'essentiel pour moi. Je quitte le pays et le reste on verra. Et allô maman, comment ça va? Je suis arrivé, je ne galère pas. S'il te plaît maman, ne t'inquiète pas. Bientôt je reviens, de l'argent plein les bras. Je quitte mon pays sans aïe. Construire un chapeau. Je prie tous les jours le Très-Haut. Pour revenir maman, je serai ton héros. Les années passent, je me débrouille même si ce n'est pas facile. Les années passent, même loin de vous, j'oublie pas mes racines. J'essaie de rester fort quand tu fonds en larmes dans ce taxiphone. Je me tue à la tâche, ta peau plaque, tes nuits passées à la plonge. Je le fais pour toi, maman, je pense à toi. Oui, allô, maman, comment ça va? J'espère que tu reçois les mandats que je t'envoie. S'il te plaît, maman, ne t'inquiète pas. Bientôt je reviens, de l'argent plein les bras. Je quitte mon pays sans aïe. Construire un château. Maman qui demain arrive en image. C'est ça, demain. C'est ça. Demain 18h sur demain les Facebook, Zaki Diego et tout. Sopra, tu as le temps, tu avais dit. Je sais pas si tu as le temps. Marc Pokora, vu que tu es là aussi. 5 minutes, voilà, Zaki Diego. Demain, ça arrive. Vendredi à 18h, le clip arrive. Zaki et Diego, Mama à l'instant qu'on écoutait. Yes! Mais toujours cas, dispo sur iTunes. Yes. Et pas que iTunes. Ouais, Google Play Store, tout. Et merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Je m'y attendais pas. Vous êtes tous présents. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, j'ai mon petit quart d'heure de Planète Rap. C'est la première fois. Et comme le disait Vince, le premier zouk conscient. Voilà, premier zouk conscient. Et on danse dessus. Raillement, tu vois. On fait du rail aussi. Bon, c'est n'importe quoi. Le premier zouk rail conscient. Merci à vous en tout cas pour cette soirée. Merci, Matt, d'être passé. C'est cool, toujours un plaisir de te voir. Bah, c'est cool. Merci d'être passé. Merci à toi. Bonne tournée à toi aussi. Merci à tous ceux qui ont envoyé des messages ce soir aussi. Clem, yes. Bonne tournée. Merci beaucoup. Ça et commence... venez voir les décors la semaine prochaine. Tu vas pas t'emmerder en tournée. Tu as vu l'équipe? Oh non. Elle était déjà là. Elle a chaud déjà. La tournée déjà. Ah bah, tu connais. Elle connaît l'ambiance. Je connais le phénomène. Elle vous a précisé qu'elle veut peut-être prendre la place de Sopra. Ça, non, je veux prendre la place de Zach. C'est Zach que je veux virer. Ouais. Des fois, elle arrive, elle fait des elle faire des bacs. Vocalises et tout. Je la vois. Mais genre, quand elle les fait, elle regarde ça, elle regarde Sopra. Genre, t'as vu, c'est moi, je fais. C'est moi. De toute façon, je maquille Zach, elle est plus aiguë que moi. Ah, mélancolie, c'est elle qui elle veut chanter. Je l'entends des fois. Ouais, mais. Non, c'est Zach en fait. La voix de Castra, c'est Zach. Elle veut me mettre. La voix de Castra, bravo. En tout cas, je voulais remercier MP d'être passé. Voilà, ouais, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu là. Donc voilà, je voulais le faire venir. Et bah, ça fait toujours plaisir de le voir. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement. Le mec, il est vraiment cool, il est vraiment gentil. À chaque fois qu'on est ensemble, on rigole, on arrive, partager la chanson, je suis content, c'est cool. L'album, c'est Red. Lui aussi, il est content. Bien sûr, la tournée, c'est le Red Tour à pas louper à partir du 10 avril. Et on a dit une connerie, Marseille, c'est le 4 juin. Et le 12 juin, c'est bien Paris. Et c'est pareil. C'est ça. C'est pareil, il y a des gens qui ont réagi. Et j'oublie pas Walid, Marion, toujours, parce que elle vient faire sa star là depuis tout à l'heure, mais attention, il y a Walid. On est obligé. Voilà, il y a Walid. Michael Jackson algérien. Et juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Yeah! Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. Ah bah tiens, on retourne à la maison. Natacha de Marseille, comment ça va, Natacha? Oui, bonsoir. Eh bah, bienvenue à la maison, Natacha. Merci. Tu es prête à faire Natacha. Tourner? Salut, Natacha. Salut, Sopra. Ça va bien? Ah oui, très bien. Et bah, alors, tu comptes jusqu'à 3 et on t'aide. On le fait tous. On le fait tous, allez, c'est parti. La tournée de Black M s'arrêtera le 24 novembre, évidemment au Dôme de Marseille. Alors, 1, 2, 3. Et bah, concert de Maître Gims, allez, c'est fait. Allez, super. Deux places pour le Dôme, c'est pour toi. Ah, c'est génial. Avec ma sœur, on va être super contente. Voilà. Bah, on te fait plein de bisous. C'est moi qui vous embrasse très fort. Passez une bonne soirée. Bisous, Natacha. Bisous. Bisous, ciao. Ouais, ciao, bon. Ciao. Ciao. Salut, Natacha. Merci à vous tous pour cette soirée. Salut, Natacha. Merci à vous, merci Sopra. Tu es content? Yes, et merci. Demain, on sera là avec une grosse équipe qui débarque, je crois. Voilà, demain, c'est soirée rap. Tu es content? Rap dark. Voilà, il y a mes amis, ceux qui font la première partie de la tournée. Je vais essayer de demander aux jeunes qui vont venir de Bruxelles s'ils se sentent de faire la première partie à Bruxelles. On va voir. On suivra ça demain. Voilà, il y a aussi Siana qui va passer. Il y a puissance Nord. Pas louper demain soir pour la dernière. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée. Claire. On va retrouver Diffou. Bientôt. Oui, c'est parti pour la Radio Libre. Et ben c'est parti jusqu'à midi. Salut Sopra, merci pour la version d'hier. Hein. Très belle version hier soir. Ah, magnifique. Oui, magnifique. Une version spéciale Cédric. Remets-nous des glaçons, Cédric. Ça va, Fredo? Ça va, en forme? En forme, pleine forme. On a entendu le nouveau Kenny West tout à l'heure aussi. Ouais, tu vois. Ah, que des morceaux qui déchirent. Cédric, remets-nous des glaçons hier. Kenny West avec Nigga Nigga. Comment il s'appelle le morceau? All My Day. Wow, quel américain. Quel accent. Nouveau Kenny West. Tu m'as pris de court d'un seul coup. Et ouais, nouveauté Skyrock, vous allez découvrir dans Planète Rap tout à l'heure. All day. À écouter, ben on se le remettra avant minuit. Tiens. Avant minuit, un petit Kenny West et un Planète Rap à pas louper. Demain soir, 20h, 21h, c'est avec toi, Fredo, et avec Soprano. Yes. Le Cosmo Tour. Ouais. Et demain, grosse session freestyle. Oui, j'ai entendu ça. On sera là demain, 20h, 21h. Merci, Fred. Et puis, vous tous, vous y allez maintenant. Hein, 01 53 40 30 20, Radio Libre. On arrive dans une minute sur Skyrock. À toutes. Ouais. À tout de suite. Ouais.